Bien des jeunes gens ont 20 ans, dont la saison n'a pas de rose. Moi, quand je revois mon printemps, je me dis devant ce bon temps, ce n'était pas la même chose. Non, ce n'était pas la même chose. Le soir, bien des couples pressés échangent des rêves en prose. Moi, quand je songe à mon passé, je me dis le cœur offensé, ce n'était pas la même chose. Non, ce n'était pas la même chose. Quand je vois de tristes amants rompre gaiement en virtuose, évoquant mes anciens tourments, je me dis, j'aimais autrement. Ce n'était pas la même chose. Non, non, non. Ce n'était pas la même chose. J'ai du parquet. Est-ce que je peux vous demander quelque chose ? Demande. Tu as du parquet. Qui êtes-vous ? Je suis contrôleur à la comptabilité des Halles. On m'ôtera pas de l'idée qu'autrefois vous avez eu des histoires, et même de belles histoires. Chut, tais-toi. Oh, pardon. Attention, la chasseuse de chasseurs qui revient.